بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في المسألة السابعة وثمانين كتر وستين مسألة ودخلنا اليوم عند سورة يونس في قول الله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله dans la parole d'Allah dans le sens où il dit et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah verset 17 ou 18 يونس يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة وقد جاء في آية أخرى ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى وما نحن بمبعوثين وقوله وما نحن بمنشرين وقوله من يحيي العظام وهي رميم إلى غير ذلك من الآيات. Donc ce noble verset nous démontre, l'ancien dans son apparent, que ces gens-là espèrent l'intercession de leurs idoles le jour de la résurrection, le jour du jugement. Et pourtant, d'autres versets sont venus qui démontrent que ces gens-là, justement, renient la résurrection, Yom El-Qiyama, qui n'y croient pas. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, c'est-à-dire à propos de Mouchikoun, qu'ils diront, nous ne serons pas ressuscités. Les bestiaux, verset 29, ou Al-Mu'minoun, nous y croyons, verset 37. Et sa parole dans le sens où il dit, nous ne serons pas remis à vie. Ad-Dukhan, la fumée, verset 35. Et sa parole dans le sens où il dit, qui donc va redonner la vie aux ossements alors qu'ils seront réduits en poussière? Yassine, verset 78. Et autres parmi les autres versets. Différents versets sur ce point. Qal al-jawabu, annahum yarjouna shafa'atahum fi dunya li islah ma'ishihim ou ma'ashihim. Wa fil akhirati ala taqdir وجودها لأنهم شاكون فيها نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم. Donc la réponse pour joindre entre ces deux choses qui paraissent s'opposer, c'est que tout simplement ils espèrent l'intercession, c'est-à-dire de leurs idoles, en cette dunya pour avoir une meilleure vie, comme la guérison, comme le fait d'avoir un enfant et réel zalika. Et dans l'akhira, ils espèrent leur intercession dans le cas où ils seraient ressuscités. Car en fait, ils doutent. D'accord? Ils doutent de cette résurrection. Ils n'y croient pas. Mais ils disent, si jamais on venait à être ressuscité, alors ces idoles intercéderaient pour nous. Et c'est ce que Adi ibn Kathir, par rapport à la surat al-An'am, le Vessio, dans le tafsir de la parole d'Allah, dans le sens où il dit, nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs. Verset 94. Et nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs. يدل له قوله تعالى عن الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. Également la parole dans le sens où il dit à propos du kafir, qu'est-ce qu'il dira? Et si jamais je reviendrai à mon Seigneur, alors j'ai auprès de lui la plus belle part. Donc il a dit bien, si je retourne auprès de mon Seigneur, j'aurai alors la plus belle part. Fussilat détaillé verset 50. وقوله تعالى ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. Également dans le sens où il dit à propos du kafir, et si jamais je suis renvoyé à mon Seigneur, alors je trouverai auprès de lui un meilleur retour. À propos de celui qui avait deux jardins sur la tel kef, la caverne, verset 36. لأن إن شرطية تدل على الشك في حصول الشرط ويدل له قوله تعالى وما ظن الساعة قائمة. Car le fait de dire « in », c'est-à-dire en arabe « in shartiya », c'est une condition que l'on traduit par « si » en français. Et à la base, « si » en français, c'est quelque chose de large qui rentre en plein abweb, alors qu'en arabe, c'est plus précis. Tu as différents, pour la condition ou autre, tu as différents termes. Et là, « in », c'est un terme de condition qu'on traduirait par « si » en français. Donc le fait qu'il conditionne cela démontre un doute. Cela démontre un doute, comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit, et je ne pense pas que l'heure se lèvera. C'est-à-dire que l'heure aura lieu. Tout le monde dans Surat al-Kahf, la caverne, verset 36, et également Fussilat, verset 50. Détaillé. Il dit, je ne pense pas que l'heure aura lieu. D'accord? Mais par contre, si jamais elle a lieu, alors je trouve auprès de mon Seigneur mieux que ce que j'ai en ce bas monde. Donc à la base, il n'y croit pas. Et si jamais cela devait arriver, alors ils espèrent que l'heure idoles feront attention pour eux. هذا هو الجمع بين الآيتين. نعم. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.